seka kitoko na yo eluta banganga ongana poni na ngai yo mwana mamie papa oki atuta monzele binemi na yo bakwe ya mayanga o bamifiti nyonso yo oyo bayaka chuma Thank you. Dani tembogi mabe na malamu ba kobongisa ka se na maloba mokolo ya collation de grade ba susu ba boti na bango ba chike ba sakila lai moto ba boti ba uti ko sala ngula tungu mine ya libala mabe na linga moto ya moto moko kutwa ni makate e ma kokolo na moni bola kisina nga moko ayebi le base na nga nyozo ya mage Chacun a sa drogue, la mienne c'est ton amour que je porte dans mon cœur. La belle de belle, ma néné ou ya clova de London. Oh chérie de tous les jours, ADC Ogi Ilunga. Oh ya qui rejoint. Charlie Danga Salayo, la voix de Dieu. Yo ti kinga vraiment dengue, bolingwango e komi wange. Elanga toloni elongonga ina yo mama. Bolingo yo tobete la kitolo. Yo moto ba paraba e ba ki yo sa bien sena. Ah mama. Peggy Simon, c'est ce qui est basé à Cabolino, la Nazaline et Liotoma. truc. C'est que Dani. Ma wende na se mbiolele ma gloire s'affouilla. Serge Mbemba, Lambo Lamba Moana, Pionero c'est un mimo belo, Lambo le coe come lo, Nete la Lambo Mona, Lambo tale la divina, Divina Sante, Lambo tale la nomile, Lambo tale la netere. Dido Kenzo, Lambo Lamba Moana, Pionero c'est un mimo belo. Papa Kevin Debrino Kabangu, Jean 120 na Rotterdam. L'universel Papi Masita. Combatte moi, nana butu na la la kate se koka ni sata de mia. Atande benzamba kosunga biso. Robert Basende, DJ Iko komo resa kambo. Shia bola masane na mamba e. Angalele la shamba mota. E buta mote mananga. Yoko tisinge. Mamba mita muno te kisanga ye. Na wenda mama e. Kimisi bebe lino e. Kelo Robera Tilanka Korombo nangai mososo Alanga ya nzembo Ia ya nadikandolo nene Shabani mingo anabilili bapeti nangai Kolela ya mokolo Efesa kama wara Binzoli ya mpaka Efesa kakolela Kolela rape balata kamokuya Je t'aime, Daniel et moi n'en t'es baillé. Dieu merci, Lomboto, le mannequin de Wall Street. Mbongwe kaboli, amitié na kati papa. Zimwe kaboli, amitié na biteni mi balé. Yana Kinshasa, didon vita na pario. Mbongo de nanie, nokie, falanga joninie. Monta Christo et kokiko kabola bolingo. Yangana yote, ekokiko kabola bolingo. Yangana yote, didompita na linga. Lili la rêve, Mado spaghetti, Benjamin béton corps. Me Mista Komali, solo ya koko mbele mbele. Lopez et Sam. Oyo rabete la kanga inama ya atrande chito. Cyril Daï. Yalo bakae, bolingo ya mbongote. Yalo bakae. Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Orphelin, Or Blanchard, Kibinda, les garçons sondage et puis tu m'as piqué là. Ça va l'oumbouye nanye. Yena boabana. Yena boabana. Yena boabana. Élisée n'a bijou pour moi. Bosso l'oumbouye nanyara. Météo et la lumière en cesse. Est-ce que vous avez un papa? Maman Steven, Sira Diallo. Souci à Koyala, maman, pour la vendredi. Pour mon bali, n'a qu'à cause la vie de Vita Kenda. Y'a kota na ye qui kumbi mosika na ye bakate. Souci à Zonga Ingali, sous mon cola samedi. Tchaden et Telema, mon bébé Tambola, Telema tokende. Oulou sa pwe bona motote. Tala na liboso nanga bato basalaka. Tala na sima nanga moto moko te. Ndenge nini nakomi kosala po nalengela mama. Nakomi kolele pa lufonsa balosa ya mbelanga. Ya kolobelanga nini ya kolobelanga. Ya kolobelanga ye ya koloba nanga nini ye. Le bukabuya ye. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à l'éternel. Maf ma banga, yoka bankumba. Yone mwana nanga, tika ko salanga bongo. Ya Willy Dwama, Christian Peugeot. Sambela nga mingi pote nga na salisa yo. Bandabo mwana, chacha yo koma moto. Ma papa, ni ma maman, ni ma bebande ko, moi nanangaye, Presina et Rike. Bébé Sissé, Robert Bassin, les lipas à de Londres. Oh là là, y'a mon colo, et pesa kamo. Y'a mis au colo la scène en colo à vous. Pinzoli, un paka et pesa nga, colé la yé yé, colé la, pebalata kamo kouya. GG, kaloumé. Max Figuel plafond. Robert Kitsiona, Henri Mouquet. Mbongo, mbongo, kaboli, amitié na katima. Zimbwe, kaboli, amitié na biteni mi bale. Yena, Kinshasa, jindro di bala na franse. Mbongo, denanie, ndokie, falanga njonimie. Mota Kristo, eko kiko kabola bolingo. Yanga na yote, eko kiko kabola bolingo. Yanga na yote, Bofo Gitoro, le pétrolier finance. Les big boss, Jipe Maketo, Dani Ntumba. Keleka wa Nzambi, wa ufila ba Nzambi, Nzambi msako na kwamanga wo yanae. Kwamanga ye, kwamanga wo, kwamanga jido ye mbita ye. Papa n'a rendu tiquer la pampa à terre. A couler manier, ma mouille comme Azima, à Barigani, Nishipende luangu kusema sema Lakini kulomba lomba dada unirumie Bibi mwana shabaye Nishipende luangu kusema sema Lakini kulomba lomba na dada unisaidie Wenjo ni nani? Unatokea wapi? Kwa nina koma Natoka Kinshasa niko nenda Lumbashi Natoka Nairobi niko nenda Mombasa Natoka Kampala niko nenda na Kigali Mama Tumba yebi sakaba ninga nangai polele Botika sama vanda, botika luga luga mbogo Botika shenga salami ziki lima Olu fonse balosa London, mes chambres, je présente beaucoup. Oh, mais l'on va y connaître. Mouenze Bayundo, Michael Ikala, le meilleur. Maître Kachamangoy Ngambé. Yoka Misabi, à Bichu, encore. Oh, Mouenze Mawete. Yéna Chalere. Papa lei capiena bit Sama la puse bango Le président Rosenda Bikwita Ken très fort Moi ka Jean pas moi Zozo Bekikia Constant Oumar E motonyo soa kobunga kanzela Sena bolimbi sinde ba mozongi sina Ya Bela Koufou Mpaka Ali Debse Zozo Koufoukia Nini e nini Nini angona salio Matrix Ruye Zobela ngaina yebao Mimito Nasenga taboli mbisi Egare umane umane este Wabelo Rambo E moto nyoso akobunga kanzela Sena boli mbisi Ndeba mozongi sina zela Jean-Marie Mondele Macho Ata eternel die Alimbisaka bato Pona nini ekela mulo kola yo Fongo iko limbisa Moninga moto lo kola yo Pardon Nisumu ya moke ya monene Ezala kate Claude Fakano Nyonso kaka komona ya ngoli Ya zizeze pa force Jacques Elia Machibo Limbisanga iwayo Nafuka mina bondeli yo Pardon mama Limbisanga iwayo Perdona mi amo Mama Moluka mi amo Niko Perdona mi amo Mama Eh papa Félix Vondoir Le grand professeur A Robinana mama Yoso bon salie kofuta mawao Rochman bon sinese Na salie mobali na kome kati na liwa Ya Sami Miko Ola kisimbongo bati ya mabaome ya mokili Mwomberan Fanchi na Londra Bobo sanike avenireza ya nzambe Ela kakate Yuda si ateka ki Yesu ponambo Mama Solange Kamara Tango aso sola kike Yesu yende boolimbo Le vieux ex-colonel Bakala Aluki azongi sela bangongo Katikati matia matimika Kona nation esi esale makie Tina akende ki komidie mbika Mawana ye PDG Munda Bina Grand Hotel Mawana binova bokilo Boela mpipo ye Toujours na top Washimaga Tomé la prémisse Washimaga ngambiri quartier Congo.